بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تتمة فائدة ما صلت أمس في أخذ الأجرة على التعليم afin de prendre un salaire dans l'enseignement. On va lire, Inch'Allah, aujourd'hui quelques paroles de Cheikh Mokbel et de Cheikh Mohamed Al-Amin Shankaiti, rahimahumullah, par rapport à ça. Et cette mas'ala-là, elle est citée dans le bab de Jahb Ta'dil, ce dont on prend le hadith et ce dont on ne le prend pas. Dans Kitab Mukhtasar Ulum al-Hadith de Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, qui en réalité est un mukhtasar de Muqaddimat Ibn Salah fi Ilm al-Hadith. Il a fait résumer ce livre-là, qui est connu. Et Cheikh Mokbel en a fait un charh, et lui et d'autres, ulama. Et donc là-dedans, il y a ce point-là qui est cité, cette question. Faqala mas'ala. Là, c'est le kalam que Ibn Kathir rapporte d'Ibn Salah. من اخذ على تحديث اجره هل تقبل روايته ام لا. On a dit, celui qui prend un salaire pour avoir apporté du hadith, est-ce que ça, son rapport, sa narration est acceptée ou pas, est-ce qu'on accepte de lui lorsque c'est un hadith, ou est-ce que son hadith est le rejeté. قال روي عن احمد واسحاق وابي حاتم انه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءه. Donc, il a été rapporté de l'imam Ahmed, de Ishaq et d'Abu Hatim, qu'ils ont dit, lui, on n'écrit pas de lui ce hadith. Celui qui prend un salaire en échange du tahdith, on n'écrit pas de lui ce hadith. Il est rejeté. Car cela est parmi les choses qui dévalorisent les valeurs humaines. Ou défavorisent les valeurs humaines, je ne sais pas comment on dirait. Wa tarakhasa Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukay. وعلي بن عبد العزيز كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن. Et donc deux autres comme Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn ou Ali ibn Abdul Aziz, eux voient qu'il est permis, tout comme il est permis, de prendre un salaire pour enseigner le Coran. Donc ils différencient, certains ulama différencient entre le Coran et autres que le Coran. Et d'autres disent, c'est valable pour le Coran, c'est valable pour le reste également. Et le dalil par rapport au Coran, c'est le hadith qu'on a cité hier, apporté par le Bukhari. Inna haqq ma akhadhtum 'ali ajran kitaballah. Ce qui est plus en droit d'être, de prendre un salaire pour vous, c'est le livre d'Allah. Wa qad afta al-shaykh Abu Ishaq al-Shirazi, faqih al-Iraq, bi Baghdad li Abi al-Husayn ibn al-Naqur bi akhdh al-ujra li shaghal al-muhaddithin lahu 'an al-takassub li 'iyalihi. Et donc le Cheikh Abu Ishaq al-Shirazi, qui était parmi les savants en Irak, à Bagdad à l'époque, a fait une fatwa pour Abu al-Hussein ibn al-Naqur de pouvoir prendre un salaire, car le muhaddith, justement, ne peut se permettre de travailler à côté, car il est occupé par ce qu'il fait. Il faut qu'il nourrisse sa famille. Il ne peut pas jongler entre les deux, se consacrer au ilm et à côté travailler également. Donc il a autorisé cela. Donc là, on va lire le ta'liq de Cheikh Mokbel par rapport à ce passage. Yaqul rahimahullah ta'ala. Donc par rapport au fait que Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn et Ali ibn Abdul Aziz et autres ont autorisé de prendre un ujra, il a dit que ceux-là ont été connus pour cette parole-là, ces ulama-là. Et parmi eux, c'était Al-Harith ibn Abi Usama. Et lui dit que le minimum que cela est, et cela réduit justement des valeurs humaines. Au minimum. C'est-à-dire, ça rend dans quoi? Au minimum macro. Au minimum. Et il dit, Al-Imam Ahmed, quand kariha riwaya, ou imtana'a min riwaya, amman akhazal ujratan ala tahdith. Il dit que l'Imam Ahmed a refusé ou a détestable chez eux, c'était souvent le sens de tahrim, de rapporter le hadith de celui qui prend un salaire. Après, il cite la parole d'Allah Azza wa Jal, « Kul ma sa'altukum min ajrin fawwa lakum. » Il a dit, ce que je demande comme récompense, cela est pour vous. Je ne demande pas le salaire, dans le sens. وَيَقُولُوا وَلَيَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُوا أَدْغَانَكُمْ. Il a dit que si il ne vous donne pas d'argent, d'accord, parlons de son prophète, il ne vous demande pas d'argent, car si vous demandez de l'argent importunément, vous deviendriez avare et il ferait sortir votre haine entre vous. Du fait que quelqu'un te réclame de ton argent. Ensuite, Cheikh Mobil dit, il répète que le minimum dans le fait de prendre l'ujra à la tahdith, le minimum c'est khalim al-muru'a. Khawalim al-muru'a, c'est parmi les choses que les gens font qui s'opposent aux valeurs du lieu dans lequel ils sont. C'est des choses qui ne se font pas en fait, dans le sens. Et qui baissent ta valeur et qui font que des fois ton enseignement peut être refusé ou alors qu'il n'est pas vraiment de valeur aux yeux des gens. C'est comme avoir un comportement indécent. Ce ne sera pas forcément haram, mais ce serait très mal vu. D'accord ? C'est très mal vu. Il dit à propos justement de Al-Haris ibn Abi Usama qui lui prenait le ujra. Il a dit Al-Zahabi wal-Qurtubi qu'il ikhtulifa fihi wa huwa 'indi saduq wa qala ibn Hazm dha'if. Et après il a dit wa layyanahu ba'd al Baghdada likawni ya'khudhu ala al-riwaya. Il a dit certains sont hadiths, ils l'ont, comment dire, layyana, ils l'ont rendu frêle, d'accord, du fait qu'il prenait un salaire en échange. D'ailleurs, c'était mal vu. Et quant à celui qu'on a cité tout à l'heure, celui que je disais hier, j'ai oublié son nom, c'est Abu Nu'aym Al-Fadl ibn Dukayn, des ulama comme Ibn Ahmed ne l'ont pas critiqué pour cela, car lui, il avait une grande famille à nourrir. Dans le besoin, comme on disait hier, il ne pouvait pas jouer entre les deux. Donc de là, il était permis de faire cela. Et parmi les ilal également, que l'imam Ahmed y cite, c'est celui qui prend de l'argent en échange du hadith, cela va peut-être le forcer à sortir des hadiths même qui ne sont pas vrais, pour avoir de l'argent. Car il voit que ça rapporte. Il sera moins minutieux dans l'argent du hadith. Donc lui, son but sera quoi ? Al-Iksar ibn Riwaya, apporter plus de hadiths possible. Pourquoi ? Pour pouvoir avoir plus d'argent possible. Donc ça ouvre des abouanes. Ça vous déporte à beaucoup de gens qui sont mauvaises. Après, plus loin, Cheikh Mokbel est toujours par rapport à ça. Donc, il répète que cela, le minimum, c'est une khawalim al-muru'a. Et il cite un hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par Ahmed wa al-Tahawi et qui a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Iqra'u al-Qur'an wa la ta'kulu bih wa la taksathiru bih wa la tashfu anhu wa la taghlu fih. Donc il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lisez le Coran et ne mangez pas sur le Coran, c'est-à-dire le fait de prendre de l'argent. D'accord. La taksathiru minhu, on en réclamait beaucoup par rapport à ça. La tashfu anhu, donc ne soyez pas insensible. La taghlu fihi. Et là, je voudrais voir le charf, c'est quoi la taghlu fihi? C'est le fait de exagérer. هذا هو المعنى التغلو فيه لكن معنى الحديث بالدم je sais pas ce que ça veut dire. Donc un shahid ça la ta'kulu bihi. D'accord, on fait un moyen de se nourrir. Ou la tastakthiru bihi. Après il dit لكن لو ان هناك رجلا او دوله تؤتي لمن يعلم ابناء المسلمين ما ارى مانعا من هذا. والممنوع ان يقال للطالب لو درسك حتى تعطيني كذا وكذا اي اعطيه الطالب او قريب الطالب. Donc il a dit, si par exemple une personne donne à l'enseignant ou que l'État donne à l'enseignant d'eux-mêmes, alors il n'y a pas d'interdiction. Comme on disait hier, ça vient d'un organisme, ça vient de l'État, une personne en particulier qui dit moi je te prends en charge, moi je te paye pour ça, d'accord, alors que la personne n'a rien demandé, et il lui dit moi je te paye, il faut que tu te consacres à cela, tu vois. nous on profite de ton enseignement. Tu es dans le quartier, il n'y a que toi comme enseignant ou quoi. On a besoin d'apprendre notre religion. D'accord ? Eh bien, il a dit, il n'y a pas d'empêchement à cela. Voire même d'autres machères en dehors, ils encouragent à faire cela. Quand un da'i vient dans un lieu qui se consacre pleinement à l'enseignement des gens dans la religion, il est recommandé aux gens de s'entraider avec lui. D'accord ? De l'aider dans les dépenses et tout. Comme ça, lui, d'accord ? Son temps, il est voué à ce qu'il profite à l'islam musulman. C'est pas comme s'il dormait au jour au foot ou quoi, là. Ce qu'il fait, c'est un travail. Mais aujourd'hui, c'est plus pris en compte par les États ni par rien du tout. Donc les gens, à eux-mêmes, de se prendre en charge par rapport à ça, de s'organiser, de se cotiser, et dire un tel, on va l'aider. Ils nous enseignent à nos enfants, ils nous enseignent à nous, du matin au soir, des choses qui sont importantes à savoir, obligatoires à savoir, ou recommandables à savoir. On ne pourra le savoir que par lui maintenant, sinon il faudra qu'on parte. Quoi qu'il en soit, il faut que tu dépenses. Si tu ne prends pas par lui, il faudra que tu voyages pour aller prendre de quelqu'un d'autre. Donc tu vas dépenser. De toute façon, toi, quelque part, tu as ta vie, ton travail, ton logement, d'accord ? Quelqu'un, il vient là, c'est un da'i l'Allah, il est apte à enseigner ou quoi ? Ta'awanu ma'ahu, pour qu'il reste, et afin que vous profitez de lui. Chez les salafs, chez les anciens, il y en a certains, quand un da'i venait, comme c'était le cas de San'ani, à la base, il n'est pas de San'a. Donc quand il est venu chez eux, ils ont voulu profiter de lui, et ils l'ont marié pour qu'il parte. C'est pas seulement on te donne de l'argent, c'est en plus on te marie, tu restes avec nous. Tu pars plus, toi. Il le marie à une des leurs pour qu'il reste. Ou si t'es déjà marié, on te marie une deuxième. Deuxième, troisième, on te met une troisième. AMG, tu restes chez nous. Et ceux au Yémen, ils font ça. Quand il y a un da'i quelque part, tous les gens du village, ils sont heureux. La maison, tout, ils apportent à manger, tout. AMG, tu nous enseignes. Tu restes là, t'es imam, t'es enseignant. La maison, elle est là. D'accord ? Tous les jours, on va t'emmener à manger, y'a pas de problème. On te demande une part pour. Des fois même, tiens une voiture, si tu veux, Amchi, tu restes avec nous. Il nous enseigne, tu vois. Wakada. Cependant, il ne revient pas au da'i de dire, moi, je ne renseignerai pas si je n'ai pas cela en échange. Ada, hey, dit, donne. Là, tu n'as pas demandé ça. Si on te le donne, tant mieux. D'accord ? Tant mieux. Si on ne te donne pas, tu ne dis pas, moi, je ne reste pas si on ne te donne pas ça. Ça, non. Ça rentre dans quoi après, là ? Ce qu'on va citer maintenant, qui est à charte, la condition. Comme l'a dit Cheikh Mokbil, il a dit, ce qui est interdit, c'est qu'on dise au talib, je ne t'enseignerai pas tant que tu ne l'auras pas, tant ou tant ou tant. Donc le talib donne ou un proche du talib, il donne. Donc là, c'est maintenant la condition de donner à celui à qui tu enseignes. Tu veux de moi, donne-moi de toi. Tu ne donnes pas, tu n'auras rien de moi. Aza wa allazi wa mazmoum, dit donne. Qala amma ta'lim al-Qur'ani wajhillah, wa iza ja'ahu shay'un yasuddu hajatahu min ahli al-khayr, أمن الدولة من بيت المال المسلمين فلا مانع من ذلك. Donc le fait d'enseigner le Coran pour Allah Azza wa Jal, si jamais quelque chose te vient en échange sans que tu l'aies demandé et qui te permette de pouvoir combler tes besoins dans ta vie de tous les jours, qui viennent des gens du Khayr qui veulent t'aider, que ça vient de l'État qui veut t'aider ou autre, et que cela s'est pris de l'argent de bayt al-mal al-muslimin, c'est-à-dire l'argent des musulmans qui est mis de côté, l'argent qui est pris de différentes choses comme le djihad ou quoi, bon, aujourd'hui tu vas plus trouver ça malheureusement, tu vois. Peut-être en Saoudi, peut-être, en pays d'Islam, tu vas pas trouver ça. Et chez les koufars, même Aoula, tu vas trouver tout ça. Donc là, le plus prioritaire, ce sont les gens qui profitent de toi, qui prennent conscience, qui faillent, qui t'aident. Sinon, tu vas aller, la personne dit, moi, soit je vais travailler, donc je pourrais plus enseigner. D'accord ? Travailler, c'est pas un empêchement pour moi, mais je pourrais plus enseigner. Et je pourrais pas faire les deux, comme il se doit. Ou là, il va aller ailleurs. Si d'autres gens disent, nous, chez nous, on va t'aider, viens. Mais parti, là, on va l'aider. À qui ? Donc ça ne ressort là pour qui ? Pour les gens de ce moment-là, c'est vous, c'est eux qui vont perdre. Parce que le djinn, il est aoulé. Ils vont perdre un moyen de pouvoir apprendre facilement et convenablement auprès d'eux. Après, il a dit, par rapport au fait de prendre un salaire par rapport au Coran, le fait de prendre un salaire en échange du Coran, il a dit, pour lui, il n'y a pas de dalil qui existe. Et par rapport au hadith qu'on a cité tout à l'heure, إِنَّا أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلِيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ. Ce qui est le plus légitime de prendre un salaire pour vous, c'est le livre d'Allah. Il a dit ce hadith, pour lui, il est mis en contexte. Pour lui, c'est pour la ruqya, comme on disait hier. Car le hadith est venu par rapport à ça. Quand des sahabes étaient rendus dans un lieu, et un homme de ce lieu-là avait été piqué par un scorpion ou quoi. Il a demandé à ce qu'on fasse ruqya. Non, au début, ils sont dans un lieu, et les gens de ce lieu n'ont pas voulu les héberger. Et plus tard, ils sont revenus les voir pour leur dire que leur chef s'est fait piquer par un animal venimeux, donc venez faire ruqya. Ils ont dit, vous donnez quoi en échange? Ce que vous avez refusé, vous voulez quoi en échange? Ils l'ont donné, je crois, de la viande ou quoi. Et après, ils ont informé le Nabi sans savoir de cela. Ils étaient dans le doute. Et après, il a cité ce hadith-là. D'accord? Donc le hadith, il est venu khasni ruqya. Et l'autre dalil qu'ils ont également dans le hadith de Sa'd al-Sa'idi fi sahihayn, lorsque cette femme est venue se rendre auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, se proposer en mariage. Et le Nabi sallam n'a pas voulu d'elle. Et un homme est venu, il a dit, « Lam takunaka haja fazawijniha. » Tu n'as pas besoin, moi je la veux. Il a dit, « Ma ma'ak shay, il mahr. » Tu fais quelque chose. Là, l'homme il a dit, « J'ai rien. » Tu vois. « Kala walaw hatim min hadid, même un anneau de fer, il dit, « J'ai rien. » »« J'ai un isar. » Son isar, ça ne verra rien. Si elle le met, toi tu ne l'auras pas. Si tu le mets, elle ne le portera pas. Et après, il lui a dit, « Ma ma'ak min al-Qur'an. » Je te marie avec elle parce que tu as comme Coran, c'est-à-dire tu lui offres le Coran que tu as, tu lui apprends. Donc certains prennent ce hadith-là également pour, comme preuve pour dire qu'on peut prendre un salaire en échange du Coran. Et lui, Chamoury, il a dit ça, c'est pas un dalil pour lui qui amène à cela, c'est juste que c'est une chose qui l'a aidé à pouvoir se marier. Soulaym, la mère de Anas, Soulaym, à Roumaïsa, s'est mariée avec Abu Talha. C'était quoi en échange? Son islam. Est-ce que l'islam c'est de l'argent? C'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent. Donc de là, ce hadith-là n'est pas forcément valable comme dalil par rapport à ça. Donc pour lui, cher Mokbin, il voit qu'il n'y a pas de dalil pour dire qu'on prend un ajr, qu'on demande un salaire du Coran. Ça c'est le salaire khilafiyya. Et au final, il conseille lui, إننا ما نعلم دليلا يدل على التحريم وفقس حرام نقول d'accord لكن الافضل ان يعلم ان يعلم لله لما يفضل سنه pour Allah azza wa jall وما يضره ان يفعل كما فعل علماؤنا المتقدمون فمنهم الحداد ومنهم البزاز ومنهم البقال ومنهم ذو الحرف هو شتى عفوا حتى اللبان ومنهم اللبان ومنهم الجزار وهكذا donc il a dit mais qu'est-ce qui empêche aux gens de faire comme faisaient les ulama auparavant? Ils travaillaient. Parmi eux, certains qui étaient forgerons, certains qui étaient menuisiers, certains qui étaient qui avaient des épiceries, et ainsi de suite. Il y en a, ils étaient connus. Ça s'appelait Zayat, Ao, Zayat, Ao, c'est quoi l'autre? Samman, ils vendaient des huiles. Ma'rouf. Ibn Mubarak, il était tajir, ma'rouf. Plein, il était. D'accord? Donc celui qui trouve rien et que personne ne l'a dit rien du tout, d'accord, plutôt que faire cela, lui il voit que demander un salaire, il travaille. Il travaille. Wakada. Taïe. Ça c'était par rapport au kalam de Cheikh Mokbil. Après, j'aimerais lire un kalam de l'imam Ash-Shankiti rahimahullah ta'ala dans son livre Adwa al-Bayan, c'est tafsir, le tafsir dans lequel il interprète le Coran par le Coran, pour le verset du Coran, pour expliquer le verset du Coran, seulement. Il dit par rapport à la parole d'Allah Azza wa Jal, وَيَقَوْمِ لَا سَأَلُكُمْ عَلِي مَعْلَا إِنْ أَجْرِيَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَانَ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاكُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنْ يَرَكُمْ كُمَنْ تَجْهَلُونَ. Au bout de Nuh, lorsqu'il parle à son peuple, et il a dit, ô mon peuple, je ne demande pas d'argent, c'est ce que je vous dis. Et ma récompense n'est comme qu'Allah Azza wa Jal. Et je ne peux pas renvoyer ceux qui ont cru en Allah, quand ils vont rencontrer leur Seigneur. C'est-à-dire, si moi je les rejette, ils vont rencontrer leur Seigneur, qu'est-ce que j'aurai comme argument? Et cependant, je vois comme étant un peuple d'ignorants. Parce que son peuple le blâmait de recevoir et de s'entraider avec les croyants. Donc il a dit, je ne demande rien à personne, moi. Le salaire vient à Allah Azza wa Jal et je ne peux le rejeter. Donc que dire des gens aujourd'hui, tu viens pour prendre du ilm, il te dit tu payes, non, ben, tu peux repartir. Wa'azu billah. Donc il a dit de ce verset, yaqul an al-wajib ala atba'i rusul min al-ulama wa ghayrihim an yabdulu 'indahum min al-ilm majanan min ghayri iwad ala dhalika. Wa annahu la yanbaghi akhdh al-ujra ala at-ta'lim, ala ta'lim kitabillahi ta'ala ولا لا تعليم العقائد والحلال والحرام. Il a dit l'obligation pour ceux qui sont les suiveurs des messagers et les savants et autres, c'est qu'ils dépensent de ce qu'ils ont comme effort, qu'ils le donnent gratuitement, sans rien demander en échange. D'accord ? Il ne convient pas de prendre un salaire en échange de l'enseignement. Que ce soit pour le livre d'Allah Azzawajal, ou que ce soit pour enseigner la aqida, ou le halal ou le haram, c'est-à-dire le fiqh, ghayr dhalika. Et il cite différents ahadiths qui ont tous des kalam qui indiquent que prendre un salaire en charge du ta'lim, c'est haram. Mais tous ces hadiths-là sont discutables. Parmi eux, un hadith de Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, qala allamtu rajulan al-Qur'an فأهداني قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذ أخذتها أخذت قوسا من النار. Donc il a dit qu'il avait enseigné à un homme le Coran et que cet homme lui a donné en cadeau un arc. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم, il lui partit de cela au Nabi صلى الله عليه وسلم, il l'a informé. Il lui a dit, si tu as pris cet arc-là, tu as pris un arc de feu. Après le hadith, il a été remis en question. Et dans ce hadith-là, même quoi qu'il en soit, je ne vois pas que ce serait un dalil pour ça, car il n'a pas demandé un échange. C'est un cadeau qu'on lui a fait, à la base. Il a dit, كذلك من الأحاديث الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقرأوا قبل أن يقرأه قوم يقيمون كما يقوم السهم يتأجله عفوا petit sur le téléphone يتأجلوا أجره ولا يتأجله. Donc il a dit, louange à Allah, livre d'Allah est un seul. Et parmi vous il y a le rouge, parmi vous il y a le blanc, parmi vous il y a le noir parmi les hommes. Donc lisez le Coran avant que ne viennent des gens qui vont le lire de façon stricte, d'accord, mais ils vont demander en échange un salaire sans pour autant attendre la récompense de l'au-delà. C'est-à-dire ils veulent la récompense de ce Coran, sa rétribution sur ce bas monde, en retardant celle de l'au-delà. Et Cheikh Mokbesh a authentifié un hadith dans ce sens-là. D'ailleurs, c'est étrange qu'il, dans ce livre-là, il n'est pas cité. Dans son Jamil Sahih, il a un hadith, j'ai oublié, c'est qu'il sahabi, dans le même sens. Après, lui-même, Shankreti, c'était un hadith qu'on a dit tout à l'heure, lorsqu'il a dit « Wa la ta'kulu minhu »« Ne mangez pas »« Wa tastaghfiru bihi » Donc, pour lui, par rapport à Adillah, lui, il voit qu'il n'est pas permis de prendre un salaire. Et il a dit, après, il a dit que l'imam Ahmed a vu de cet avis-là, selon deux avis rapportés de lui, les deux paroles différentes, Abu Hanifa Kazalik, wa Dhuhak ibn Qais wa Ata. Et il voit que ce n'est pas permis de prendre un salaire. Et d'autres ulama qui étaient comme Zuhri ou Ishaq, qu'ils ont vu la karaha de prendre un salaire en échange dans l'enseignement du Coran. Et c'était une parole de Abdullah ibn Shaqiq, qui est un tabi'i, qui a dit « هذه الغرف التي يأخذها المعلمون من السحت » Ce pain que mangent les enseignants, c'est-à-dire qui enseignent en échange du Coran, qui enseignent le Coran en échange d'un salaire, ils ne mangent que du gain illicite. Je dis, salaf, c'est vrai que c'était haram de faire cela. Et parmi ceux qui voyaient que c'était interdit en mettant la condition, il y a le Hassan, le Musirin, le Taous, le Sha'bi, le Nakhari. Tout ça, c'est cité dans le livre Al-Mughni, d'Ibn Qudama. Et il y a une parole de l'imam Ahmed qui voit la permission, lorsque cela est fait sans condition. Tu le fais, c'était venu, sans que tu le demandes en condition. Et après, c'est à les kalem des gens de l'Ilm qui voient la permission. D'accord. Dans le Coran seulement. Parmi eux, il y a Malik, wa Shafi'i, et autres. Et le Adillah, ce sont l'Adillah, c'était par Cheikh Mokbesh tout à l'heure. Ce sont ces Adillah là. Et comme on disait hier, par rapport au hadith, Inna haq ma khastum alayhi al-Qur'an, al-ajran, kitabullah, le hadith pour la ruqya, comme on disait hier, c'est que le Cheikh Mokbesh lui voit que la raison du hadith, c'est ça la cause, et pas autre. Et il y a la règle qui dit que العباره بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب comme on a dit hier. Certains ils voient que les termes sont généraux, donc de là ils voient la permission de prendre un salaire en échange de l'enseignement du Coran. Donc à la fin il dit Cheikh Shanqiti rahmallahu ta'ala الذي يظهر لي والله تعالى اعلم ان الانسان اذا لم تدعو لحاجه ضروريه فالاولى له الا يخوض عوضا على تعليم القران والعقائد والحلال والحرام للأدلة الماضيه. Donc il a dit pour moi je vois que ce qui est de prioritaire chez la personne c'est tant qu'il n'a pas un réel besoin d'accord primordial qui ne prenne rien du tout en échange d'accord وان دعته الحاجه اخذ بقدر الضروره من بيت المال المسلمين. Il a dit, si vraiment il a un besoin, vital ou quoi, alors qu'il prend de l'argent qui est mis de côté pour les musulmans. Bait el-mal. Quand il a dit, en fait, cet argent-là, ce n'est pas un salaire. Ça sera une aide, en fait. Ça sera une aide et non pas un salaire. Non. Et parmi ceux qui voient la permission de prendre, ils disent, en fait, celui qui prend, il ne vend pas le ilm qu'il a, mais prend de l'argent pour le temps qu'il consacre à rester là. Et c'est pas son ilm qui va en fait. D'accord. Ce qu'il fait, c'est le temps qui lui est pris à rester ici pour enseigner aux gens, ce qui l'empêche d'aller travailler. Comme ce fut le cas des salafs qu'on a cités comme Abu Nu'ayn, Al-Fadl, ou Akaza. Eux, c'est pas surtout par rapport au temps. Et d'autres, ils ont dit, ces ulama-là, s'ils vont travailler, ils ne pourront plus se consacrer à l'enseignement des musulmans et leur science, on en a besoin. D'accord. Cette science qu'ils ont, on en a besoin. Donc, on leur donne un échange qu'ils puissent s'asseoir, enseigner aux gens et apporter le hadith. C'est prioritaire. Donc là, il faut voir la maslaha. Et aujourd'hui, on voit plein de gens, justement, qui, eux, sont moyens de pouvoir vivre, qui prennent des salaires immenses en échange de l'enseignement, qui sont ignorants de ce qu'ils enseignent, en plus, d'accord? Donc, eux, pour eux, on craint pour eux le tahrim. Et c'est devenu un commerce, un business. Wali'azou billah. C'est devenu un business. Des gens, maintenant, ils mangent le compte de la religion. Et dire, voilà, ils ont voulu fermer ce genre de porte, justement, pas d'interdiction. Faut pas qu'on arrive à ce stade-là. Aujourd'hui, c'est présent. Quand on voit plein, ils disent, ouais, je t'enseigne une formule, aujourd'hui, fiqh de fiqh, 100 euros par mois, douloureuse de kaza, 100 euros par mois, la formule, avec réduction et promotion pour kaza kaza. C'est devenu ridicule. On dirait, les promotions de Carrefour, de Auchan, du mois, aujourd'hui, tant qu'il y a de viande, c'est tant. Et a'azou billah. Là, ils vendent la religion, ces gens-là, tu vois. Et tu regardes bien ces gens-là, c'est le râle. Et ce fait de demander un salaire en échange de ta'lim, tu verras chez les isbis en général. D'accord? Chez les isbis en général. Et en plus, ce qui est de plus honteux, c'est que ce ilm, tu l'as pris gratuitement auprès des ulama, tu vois, aujourd'hui, tu te vends. T'as payé quoi, toi, pour avoir ce ilm que tu donnes aujourd'hui? T'as rien payé du tout. Aujourd'hui, tu permets de demander aux jeunes de payer pour toi. Surtout qu'aujourd'hui, t'as plus le moyen de faire de l'argent. T'as des aides de l'État qui sont données. D'accord? Surtout, t'as plein de gens qui t'aident à côté, et après ça, tu viens. Et après, t'en as ton foulain, il roule en voiture, machallah, il a un dupeuf, je sais pas quoi. Le ulama dit, bien, tu prends le minimum vital pour pouvoir vivre. Eux, non, c'est devenu, pour avoir un confort, un luxe. Tu vois? Aoulan archa alayhim. Fialan. Et tu verras qu'il n'y aura pas de baraka dans leur da'wah, ces gens-là. Il n'y aura pas de baraka. Donc là, c'est par rapport à ce qu'on disait hier, même tatimat al-fa'ida, tamam, nakafi bihada al-yom, wa alhamdulillah bil alamin. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens abusent de cela. Et des gens, le pire, c'est que ce sont des gens qui ne sont même pas aptes à enseigner comme il se doit. Et ils profitent, en fait, de l'ignorance des gens. Et c'est devenu un business, malheureusement. C'est pour ça que les salafs ont fermé la porte. C'est devenu un business. Les gens, maintenant, vivent sur le compte de la religion. Hicham Mokbir, rahmallahu ta'ala, il disait bien que tu balayes les rues et plus honorable pour toi plutôt que de venir et de te faire un salaire sur le dos de la religion. La religion d'Allah Azzawajal est abordable pour tout le monde. Le riche, le pauvre, le kafir. Tout le monde doit avoir droit à entendre le nasiha et entendre le wahi tel qu'il est. Sans quoi, c'est les riches qui vont être des ulama, les pauvres ils vont être dans le jahl. Ça n'existe pas ça chez nous. Mais l'aksar adba al-anbiya kanul fukara. Alors, la plupart des NBA, c'est les Fukara. Et les NBA eux-mêmes, la souna chez eux, c'était le Fakr. Ils étaient pauvres, en général, à part certains. Comme vous savez, Suleyman qui était un roi, Daoud, Kazalik. Sinon, les NBA, de façon générale, ils étaient pauvres. Ils étaient pauvres. Donc ça, le fait de réclamer un salaire en échange du tadris, khassa, ça menait quoi également à quoi? Que les gens, ils font du ilm, ils disent non, propage pas ce que j'ai dit, pourquoi? Parce que sinon, toi, tu me payes et les autres, voilà, ton cahier, tu prêtes à personne. Mais de l'eau, tu ne propages pas. Tu vois? Alors que le Nabi Salem, balirouani walou aya, propage de moi, ne serait-ce qu'un verset. Et toi, tu viens, cercle fermé, n'assiste à mes douces, celui qui paye. Celui qui ne paye pas, il n'a pas d'audio, il ne rentre pas dans mon cahier, il n'écoute rien de moi. C'est quoi ça? Un cercle fermé. Ça, c'est pas de la da'wah de l'anbiya, ça. Ah, d'aller, c'est une da'wah de l'anbiya. Abadan.